Des rêves qui cachent à virer, les nouler, espérer. Promesse qui pas qu'à tchambé, sans nous sapoti, oh yéla. Des nouvelles qui nous pâtent, que j'emmène et apprendre. Et nous savons qu'il faudrait bien nous donner un jour. Nous tendons cloche, l'église sonne, un chien commence à pleurer. Un gros papillon tout noir vient y poser en caïla. Ah. Qui ça? Il peut bien porter banou. Tout joué saurait te chanter, jour à pédi couler. Oh, yeah. Ciel bleu à qui n'en font chez nous. On y plein de l'eau pour moi les vénages. En l'orage tristesse finie. Déchirer soleil la joie nous. En fouette kabati. Quitte pas nous. La prière tout là. Cardinal.